Donc, si on prend rapidement Salat al-Dhuhr, qui est la première Salat, ça a été appelé la première Salat, car c'est la première Salat que Jibril alayhi salam a enseigné au prophète alayhi salatu wasalam. Il lui a enseigné le temps de Salat al-Dhuhr en premier. Et son temps, il commence avec Zawal, quand le soleil s'éclipse du zénith, il s'écarte. Quand le soleil s'écarte du zénith, le zénith, c'est le milieu du ciel. Et son temps, il continue jusqu'à ce que l'ombre de chaque chose devienne égale à elle-même. Bien évidemment, ça, c'est valable pour les gens qui sont dans le milieu de la terre, comme Mecca. À Mecca, l'ombre, à un moment, quand le soleil il est en plein milieu du ciel, l'ombre de la chose disparaît totalement. Car le soleil est au-dessus de leur tête directement, d'une manière parallèle. Par contre, à d'autres endroits de la Terre, l'ombre ne va pas disparaître complètement, mais elle va commencer à diminuer, à rétrécir, jusqu'à arriver à un degré, elle s'arrête. Elle va arrêter de diminuer, et après elle commence à augmenter. Le moment où elle s'arrête, elle arrête de diminuer, ça, c'est le point zéro. Comme il faisait dans les campagnes, il prenait un bâton, il le mettait sur une planche, il regarde l'ombre du bâton. La taille du bâton, par exemple, c'est 20 cm. Quand il arrête de diminuer, il reste 5 cm d'ombre. Donc ça, c'est le zéro. Quand l'ombre du bâton devient égale à lui-même, c'est quand l'ombre va atteindre 25 cm, c'est-à-dire la taille plus cette distance minimale. Mais à Mecca, l'ombre est égale, c'est si tu prends un bâton de 20 cm, l'ombre, ça sera de 20 cm. Ça, c'est la fin du temps de Dhuhr, quand l'ombre de chaque chose devient égale à elle-même, avec l'explication que je viens de dire. La deuxième salat, c'est la salat de l'Asr. La deuxième salat que Jibril alayhi salam est venu enseigner au prophète alayhi salam, 100 ans. 100 ans, le temps de salat l'Asr, c'est quand l'ombre de chaque chose devient égale à elle-même jusqu'au coucher du soleil. Et vous savez que dans salat l'Asr, il y a deux temps. Un temps quand tu as le choix, et un temps quand t'as pas le choix, qu'on appelle le temps de nécessité. Le temps de choix, c'est depuis que l'ombre d'une chose devient égale à elle-même jusqu'à ce que le soleil commence à devenir très jaune. Yani quand il s'approche de son coucher. Et après ce moment-là, jusqu'au coucher du soleil, c'est un temps de nécessité. C'est-à-dire, il est haram, il n'est pas permis pour un musulman de retarder Salat al-Asr jusqu'à l'approche du coucher du soleil où le soleil devient très jaune. Nabi a décrit l'hypocrite pour retarder Salat al-Asr jusqu'à ce moment-là. Il a prié 4 unités de prière dans lesquelles il n'invoque Allah que très peu. C'est pour ça que c'est haram de retarder Salat al-Asr jusqu'à ce moment-là. Mais entre le moment où l'ombre d'une chose devient égale à elle-même jusqu'à ce que le soleil commence à devenir très jaune, c'est permis. C'est permis. Sauf pour celui pour qui la prière en groupe est obligatoire. Il doit la prier avec le groupe. Ça, c'est le temps de l'Asr. Le temps de l'Maghrib, c'est depuis le coucher du soleil jusqu'à la disparition de la lueur rouge. Shafaq al-Ahmar. Shafaq al-Ahmar, c'est une rougeur qui apparaît dans le ciel après le coucher du soleil et qui continue jusqu'au temps de l'Isha. La lueur rouge. Et Salat al-Maghrib, dans les 4 salawat, Jibril alayhi salam est venu au début du temps et il est venu la prochaine fois à la fin du temps. Il a dit au prophète alayhi salam, entre les deux temps, c'est un temps. Sauf pour Salat al-Maghrib. Il est venu au même temps. C'est pour ça que les savants ils disent le temps de Salat al-Maghrib est très court. C'est pour ça qu'il faut se hâter à prier le Maghrib dès que le soleil se couche. Dès que le soleil se couche. Mais son temps, il continue jusqu'à la disparition de la lueur rouge, Shafaq al-Ahmar. Avec la disparition de la lueur rouge commence le temps de l'Isha. Et il continue jusqu'à la moitié de la nuit. Il y a trois avis. La moitié de la nuit, le premier tiers de la nuit, jusqu'au Fajr, jusqu'au lever de l'aube. Mais l'avis le plus juste, Allah alam, c'est jusqu'à la moitié de la nuit. Le temps de l'Isha, il continue jusqu'à la moitié de la nuit. Sauf dans la nécessité, il continue jusqu'à le Fajr. Mais ce n'est pas permis de retarder l'Isha jusqu'à après la moitié de la nuit. La moitié de la nuit, ce n'est pas minuit. On la calcule en prenant le temps de le Maghrib et le temps de le Fajr, et on regarde le nombre d'heures qu'il y a, on divise par deux, on le rajoute au temps de le Maghrib, ça nous donne la moitié de la nuit. Donc l'Isha, on peut le prier jusqu'à la moitié de la nuit. À partir de la disparition de la lueur rouge, jusqu'à la moitié de la nuit. La cinquième salat, c'est salat subh. Son temps, il commence avec la levée ou avec le lever du lobe jusqu'au lever du soleil. Le lever du lobe véridique, al-fajr sadiq, jusqu'au lever du soleil. C'est haram de prier le fajr après le lever du soleil. C'est haram de retarder. C'est haram de retarder le fajr jusqu'au lever du soleil.